cours numéro 13. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه الحديث الثالث on est toujours في هذا الفصل الطيب ذكر فيه بعض الأحاديث الواردة في النهي عن مجامعة المشركين. L'auteur, rahimahullah, il a cité dans ce chapitre des hadiths du prophète, alayhi salatu wasalam, sur l'interdiction de vivre avec les ennemis d'Allah, azza wa jalla, avec al-kuffar, que ce soit les juifs, les chrétiens, ou al-malahida, les athées, ou n'importe quel mushrik, et autre que les mushrikin. « وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. » Et on arrive au troisième hadith. قال رحمه الله الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تستضيء بنار المشركين. رواه الإمام أحمد والنسائي والبخاري في تاريخه وابن جرير وأبو يعلى. قال في الحاشية إلى ستي التخريج أي أخرجه الإمام أحمد إلى آخره ثم قال وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني ويغني عنه ما تقدم. هي سي لو ميم سونس كو لي أحاديث بريسيدون. قوله عليه الصلاة والسلام لا تراءى ناراهما. ما معنى لا تراءى ناراهما؟ C'est quoi le sens de ce hadith? Fadal. Ahsant. Yufid al-bu'd. Adam al-muqaraba. Min babi awla al-musakana. Wal-mukhalata ma'ahum. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la tara'a narahuma. Et que leurs deux feux ne se voient pas. Ça c'est pour montrer al-muslim il doit s'écarter. Hatta si ce mushrik il allume un feu chez lui pour s'éclairer l'akhirah, tu ne vois pas son feu, il ne voit pas le tien. Ça montre. البعد كون دو سيكارتي دو هؤلاء. اي هنا سي لا ميم شوز. قوله لا تستضيء بنار المشركين فبمعنى هذا الحديث. لكن سو حديث اللي ضعيف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره معناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم. واختار هذا القول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. Et là, comme tu as dit, ça c'est clair. On doit s'écarter de Haoula. On ne doit pas se mélanger à Haoula. Les ma'ada, comme tu as dit dans le dors précédent, on s'approcher des égarés, des ennemis de l'islam, ça fait du mal. Comme a dit Azza wa Jal, فَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. الركون, c'est le قرب, c'est le mail, c'est le fait de se rapprocher. فالسلوك يسرقش من الظلمة قال عز وجل فلا تركوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. tu peux être touché par le châtiment. في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ils peuvent te faire du mal. كذلك ils peuvent te mettre des choubes. كذلك ils peuvent t'accuser de certaines choses. et في الآخرة عقاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل حرم هذا. ابن كثير رحمه الله نقل الإجماع على وجوب الهجرة. l'unanimité de faire l'hijra pour celui qui en a la capacité bien sûr et qui ne peut pas appliquer son din. فَمَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ فَلِيَتَّقِ اللَّهِ. Et il met en pratique هذه الأحاديث. قال ابن الأثير رحمه الله معنى لا تستشيروهم ولا تأخذوا بآرائهم جعل الضوء مثلا للرأي عند الحيرة. deuxième معنى لا تستضيئوا. ça vient de الضوء, c'est la lumière. Et ne prenez pas de leur lumière et leurs avis. هذا قول ابن الأثير رحمه الله. C'est un قول طيب كذلك. ولا مانع. Les deux sens ils ne se contredisent pas. Et là, chacun n'a le mu'min. الواجب عليه, c'est de revenir à أهل العلم, المسلمين, المؤمنين, الصالحين. De revenir à ses frères. وشاورهم في الأمر. المشاورة, c'est quelque chose de طيب. لكن entre مؤمنين, entre الصالحين. Et si c'est une question qui a besoin d'une science spécifique, enfin, si c'est du dîn, tu reviens au savant de l'islam. Si c'est quelque chose où un musulman a de l'expérience, tu reviens à ce musulman. Non. هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن الكفار يبل با نوتر بيان. ربما tu lui demandes un conseil, tu lui demandes une chose et volontairement il te trompe pour te faire du mal. فالإنسان يحذر. قال قلت أي الشيخ حمود رحمه الله وهذا قول مروي عن الحسن البصري رواه عنه أبو يعلى وابن جرير في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. تقدمت معنا هذه الآية قال الحسن وأما قوله ولا تستضيئوا بنار المشركين فإنه يقول لا تستشيروهم لا تستشيروهم في شيء من أموركم. Donc Ibn al-Athir rahimahullah, il a cité ce sens et le fait de ne pas prendre leurs avis. Et avant Ibn al-Athir, al-Hassan al-Basri rahimahullah. قال فإنه يقول لا تستشيروهم في شيء من أموركم. قال الحسن وتصديق ذلك في كتاب الله ثم تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. Et on avait dit البطانة c'était comme الأولياء, c'était comme الوليجة. Vous vous rappelez du mot? Et conseiller, confident plutôt, proche, pour leur demander, pour leur confier des choses. On ne doit pas faire ça avec les kuffars. Les kuffars, ce n'est pas des personnes de confiance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à al-mu'amala. Ne pas confondre les deux. Al-mu'amala, le commerce, il a arrêté, ça c'est permis. Lakin, al-mushawara, dans certaines choses qui te sont propres, et les dévoiler à un kafir ou leur demander conseil, ça c'est pas min al-hikmah. Alhamdulillah, عند المسلمين, on a des savants, on a des personnes de confiance, on a des personnes d'expérience dans tous les domaines. On se conseille, on s'entraide entre frères. قال ابن كثير رحمه الله وهذا التفسير فيه نظر. أي تفسير ابن الأثير. Et on a déjà fait la remarque, ne pas confondre ابن الأثير, صاحب النهاية, et ابن كثير, صاحب التفسير. ابن كثير, هنا, il n'est pas d'accord avec ابن الأثير. قال هذا التفسير فيه نظر أي التفسير de dire ne prenez pas leurs avis, comparez la lumière هنا à leurs avis. قال هذا فيه نظر أي هذا c'est à voir أي بمعنى c'est pas correct هنا. قلت أي الشيخ حمود والظاهر أن النهي شامل للأمرين كليهما. C'est ça le قول الصحيح والله أعلم. C'est قول الشيخ حمود et d'autres imams. Il n'y a aucune contradiction entre les deux avis. Et ne pas se rapprocher des koufars, ne pas se mélanger à eux, et كذلك ne pas prendre leurs avis dans certaines situations. هذا. قال فلا يجوز لمسلم مساكنة المشركين اختيارا ولا مشاورتهم وأخذ آرائهم والقول الأول أظهر. لا شك أن le premier قول il est plus clair et c'est le plus connu. قال يدل ذلك قوله يدل ذلك قوله كانه يدل على ذلك كانه على. قال يدل ذلك نعم كانه على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تراء ناراهما وقوله في حديث الزهري الذي سيأتي ذكره قريبا وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب والله أعلم. Donc les deux sens ils se contredisent pas فالحمد لله. الحديث الرابع quatrième حديث عن بهز بن حكيم عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله من مشرك بعدما يسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. قوله أو يفارق أي حتى يفارق أو إلى أن يفارق أو هنا بمعنى حتى أو إلى أي jusqu'à ce qu'il délaisse المشركين. لا يقبل الله من مشرك أي الله سبحانه وتعالى لا accepte pas les œuvres d'un مشرك. بعدما يسلم et هنا ça montre que ce mushrik ça devient un muslim. فالله سبحانه وتعالى il accepte pas de lui ماذا عملا اي ses œuvres او يفارق المشركين اي حتى يفارق المشركين jusqu'à ce qu'il quitte les mushrikin اي il quitte leur bilan il vit plus avec eux الى المسلمين. اي هذا الحديث فيه معنى الهجره. الهجره c'est ça, c'est مفارقه المشركين الى المسلمين. الحقيقه احيانا on cite des ta'arif et si on l'accompagne avec ce hadith fa satayyib mufaraqat al-mushrikin ila al-muslimin, c'est ça l'hijra, délaisser al-mushrikin pour qui? Pour les muslimin. هنا المراد c'est al-buldan, buldan al-mushrikin et buldan al-muslimin. هذا الحديث قال رواه الامام احمد والنسائي والحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجا، ووافقه الذهبي في تلخيصه. قال في الحاشية: أخرجه النسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد، وحسنه الألباني في الصحيحة. بعض العلماء يضعفون هذا الحديث، الشيخ الألباني لحسن فالحديث على قول الشيخ الألباني، نعم إلى حسن. نقرأ كلام sur l'explication de ce hadith. هذا الكتاب إلى الطيب، العبرة بما جاء في الغزو أي الجهاد والشهادة والهجرة للعلامة الصديق بن حسن القنوجي، وهنا ضبطه بالقنوجي المعروف بالصديق حسن خان رحمه الله. parmi les savants de l'Inde. il est mort en 1307. il est mort il y a plus d'un siècle رحمة الله عليه. et il a des كتب جميلة طيبة. et il a ce livre sur الغزو أي الجهاد et الشهادة le martyr et الهجرة. et الهجرة في سبيل الله. et il a cité à la fin du livre un chapitre sur le hijra. Et naam, il a cité ce hadith: la yaqbal Allah la yaqbal Allah min mushrikin amalan ba'dama aslam aw yufariq al mushrik mushrikin. Il a cité la parole de l'imam Suyuti rahimahullah fi hashiyati ala ibn majah. Hada c'est fi al hashiya, c'est pas le muallif, c'est le muhaqqiq. Il a cité qawl al Suyuti, qala qawluhu hatta yufariq المشركين إلى المسلمين بأن يهاجر من دارهم، فإن الهجرة من دار الكفر واجب. نعم، فإن الهجرة من دار الكفر واجب. هذا تقدم معنا deux conditions: la capacité et qu'il n'est pas capable d'appliquer son dîn. S'il est capable d'appliquer son dîn, c'est recommandé. S'il n'est pas capable, c'est obligatoire. Bien sûr, tout ça avec la capacité. قال ويحتمل أن يكون المعنى حتى يفارق المشركين في زيهم وعادتهم إلى زي المسلمين في العادات والمعاملات، فإن من تشبه بقوم فهو منهم والله أعلم. الأظهر حتى يفارق المشركين أي واضح بقوله إلى المسلمين، أي سسامونت من بلاد إلى بلاد، هذا الأظهر. أما إكسبليكي يفارق المشركين أي ne pas le ressembler، فهذا في الحقيقة فيه نظر. لماذا؟ لأن on a des adillas qui montrent l'importance de quitter، de ne plus habiter avec eux. On ne doit pas voir leur feu comme taqaddam. فهذا أولا. ثم قال وأما رواية أو يفارق، فقال السندي أو يفارق أي إلى أن يفارق، فأو يأتي بمعنى هنا إلى أو حتى، فالمضارع منصوب بعد أو بمعنى إلى أن وحاصله. هنا on va lire son كلام pour expliquer قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله من مشرك عملا، أي أن الله عز وجل لا accepte pas les œuvres de مسلم qui vit avec le kuffar حتى إلى الهجرة. بعضهم قد يفهم من هذا أن سعم المسلم ils sont pas acceptés comme le mushrik. فقال رحمه الله أي السندي، c'est un savant، il a des تعليقات على سنن ابن ماجة، وحاصله أن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام واجب على كل من آمن، فمن ترك فهو عاص يستحق رد العمل والله تعالى أعلم. هذا كلام طيب. لماذا؟ لأن يجمع بين الأدلة، لأن من تاب تاب الله عليه. المسلم ses œuvres elles sont acceptées عند الله tant qu'il est sincère et suit النبي عليه الصلاة والسلام. Et ce qui annule les œuvres c'est le shirk ou le kufr. لئن أشركت ليحبطن عملك. Donc le fait de délaisser la hijra en rassemblant les autres أدلة ça annule pas les œuvres. فالسندي رحمه الله قال قوله لا يقبل أي لا يستحق، أو plutôt on répète son كلام بالنص، قال فمن ترك فهو عاص يستحق رد العمل. celui qui délaisse la hijra alors qu'il a le قدرة، il a la capacité de pouvoir vivre avec les musulmans et il reste avec les kuffar، فهذا يستحق. ça c'est من أحاديث الوعيد. ça veut pas dire que ses œuvres ne sont pas acceptées، لكن il mérite que ses œuvres ne soient pas acceptées. et كذلك avec les أحاديث qu'on a vu précédemment et كلام أهل العلم، هذا كذلك ça montre أن celui qui vit avec les mushrikins après avoir connu l'islam et il ne se déplace pas عند المسلمين il peut tomber dans une chose qui lui annule ses œuvres et ses œuvres ne sont pas acceptées. ça peut être une cause. فإما الحديث يحمل على أنه يستحق هذا الإنسان رد العمل، il mérite que ses œuvres ne soient pas acceptées même si elles sont acceptées à la base. c'est من أحاديث الوعيد، c'est une menace. إما يحمل كما تقدم لأحاديث فهو مثلهم، أي أنه ça peut être une cause pour qu'ils deviennent comme eux, et ces œuvres, elles ne sont pas acceptées. Et à la kulli hal, ça c'est min ahadith al-wa'id. Et à la kulli hal, ça montre la gravité. Comme min al-nas, ils ont perdu leurs œuvres en vivant fi bilad al-kufr. Ce qui a fait perdre leurs œuvres, ce n'est pas le fait d'habiter faqat. Là, le fait d'habiter, ça a été une cause. Et cette cause, elle les a poussés à mécroire, à avoir des doutes, à délaisser le din. Limada, li anna al-mu'ashara ou al-mukhalata tu'athir ala l'insan. الصاحب ساحب والأرواح جنود مجندة فالإنسان ينتبه هذه الأحاديث بعض العلماء فلهذا تعبنا قليلا pour trouver هذا القول de ce kitab on a recherché في هذا الحديث كثير كثير من العلماء il l'explique pas il le laisse على ظاهره من باب الوعيد أنه c'est très très grave fais attention à tes œuvres il a un choc que celui qui connaît sa aqidah Il sait c'est quoi qui annule les œuvres. Et le fait de délaisser les hijras, ça annule pas tes œuvres. La preuve que m'a dit le Cheikh Mouqbil, rahmatullah alayhi, عند هذا الحديث, c'est pas tous les sahaba qui ont fait la hijra. بعض sahaba, ils sont restés à Mecca. Et celui qui a lu Sabab Nuzul, le verset qu'on a cité auparavant, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ إِلَى آخِرِهِ فَيَعْلَمْ هَذَا عَلَى كُلِّ حَالٍ, ça montre que c'est pas tous ceux qui ne font pas la hijra, leurs œuvres, elles sont annulées. لكن prends le hadith ala zahirihi satastafid minh satastafid anna fi bilad kufr on est en danger on peut ressembler au kuffar nos œuvres peuvent être annulées ça peut être une cause ayadun billah de tomber fi ridda fatastafid min hada et tu fais des efforts et celui qui a un udhr celui qui est dans la capacité kadhalik il n'oublie pas hada limadha li anna le jour où Allah yafta alayk ou ton excuse n'est plus valable t'essayes d'appliquer hada al hadith al azim hada wallahu ta'ala a'lam al marji de cette nusra page 441 al-ibra et bima jaa fi al-ghazwi wa al-shahadati wa al-hijra de al-sheikh Siddiq Hassan Khan rahmatullah alayhi qala rahimahullah al-hadith al-khamis an yazid ibn al-shakhir radiyallahu an qala ghayna ana ma'a mutarrif bil marbad id dakhala rajulun ma'ahu qit'atu adam na'am kanahu adamin قال كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أحد منكم يقرأ قال قلت أنا أقرأ فإذا فيها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لبني زهير ابن أقيس أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه أنهم آمنون بأمان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي قال في الحاشية قال الشيخ الألباني صحيح الإسناد الشاهد وفارقوا المشركين ça montre l'importance de délaisser الكفار هؤلاء قال أنهم آمنون بأمان الله ورسوله Ça montre que l'hijra, c'est une asbab al-aman pour préserver ton din. Même si tu auras, probablement, des choses en moins. Et ça, c'est à voir. Les musulmans font l'hijra, Allah subhanahu wa ta'ala, yafta alayhim, mais ils manquent de rien. Ils ont plus qu'ils avaient avant. Mais même si tu es éprouvé, tu manques certaines choses de dunya, bi-idnillahi azza wa jal, tu vas préserver ton din. Tu seras fi amn wa aman. Les malades, il y en a vivre avec des personnes qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wa sallam, même s'ils ont des faiblesses, c'est pas comme vivre avec des ennemis de l'islam. Même s'ils ont shay min ad-dunya. Qala rahimahullah, al-hadith al-sadis an Jarir radiyallahu anhu qala bay'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ala iqam as-salah wa ita'i az-zaka wa nush li kulli muslim wa ala firaq al-mushrikin rawahu an-Nasa'i. Qala fi al-hashiya wa sahhahahu الألباني وفي رواية له قال جرير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت أو يبايع نعم هم الذين يبايعون فقلت يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين الحديث قال صححه الألباني نعم فلا شك في صحة هذا الحديث plusieurs روايات عن جرير et si tu regardes, tu médites bien, tu analyses bien sur ces choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur lesquelles il prêtait allégeance au prophète alayhi wa sallam, c'est des ibadat azim. As-salah, c'est un pilier de l'islam. Az-zaka, c'est un pilier de l'islam. An-nasiha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ad-din wal-nasiha. Ad-din entier, il est fondé sur le conseil. Et mufaraqat al-mushrikin. Si tu veux préserver ces choses, ta salat, ta zakat et ton din, n'oublie pas le quatrième, mufaraqatu al-mushrikin. Là, chacun a le bay'a, c'est sur des choses importantes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand le sahaba il prête allégeance, il prête allégeance sur des choses importantes. Marra, ils ont prêté allégeance à Nahum, ils le suivent et combattront avec lui jusqu'à la mort. Et fi hadha al-hadith, as-salat wa az-zakat et an-nasiha et al-hijra, aider laisser al-kuffar. Ça montre l'importance de hadha al-bab. Et ça montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il donnait de l'importance à cette ibad. Enfin, on doit lui donner de l'importance. On fait attention à ba'd al-makhadil. Annahum, ils ont des profits fi bilad al-kufr. Et ils mentent sur les muslimines en prétendant que al-hijra c'est pas obligatoire ou on peut appliquer notre din fi bilad al-kufr. Limadha li annahum, ils ont un profit énorme que les muslimines restent هناك. Ba'd an-nas qui prétendent faire ad-da'wa et ils veulent pas montrer كذلك البعض vu que eux ils arrivent pas à faire ad-da'wa et ils prennent la parole, ils se mettent en avant. Ils ne peuvent plus, ou ils n'osent pas dire que le hijra est wajib. Les annanas, ils vont leur dire, et vous ? Ils ont du makr, ils disent, imma c'est pas obligatoire, imma on peut appliquer notre din, imma il y a divergence. Et kalam al-Nabi alayhi salatu wa sallam, donne de l'importance à ce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a donné. Donne de l'importance. Mathalan vi as-salat, il y a divergence sur celui qui la délaisse. Est-ce que c'est un musulman même là ? Est-ce qu'on va dire... il ne fait pas salat, on le conseille, il dit de toute façon il y a khilaf. Est-ce que hada al-kalam c'est un kalam yu'aql? Et s'il y a khilaf, est-ce que ça veut dire que tu dois la délaisser? Et si c'est ceux qui disent que c'est un kafir qui avait raison, qu'est-ce que tu vas faire yawm al-qiyam? Allez, hada qala al-imam al-lalaka'i rahmatullah alayhi yakfi aran ou comme qal an tarik al-salat al-ulama akhtalafu fih. Est-ce que c'est un muslim am un kafir? Ça montre que l'a'imma est donné de l'importance à l'ibad à elle-même. À prendre comme hujja, comme argument, la divergence, ça c'est une faiblesse dans la sincérité. Le Nabi sallallahu alayhi wa donnait beaucoup de l'importance à la hijra, donne-lui de l'importance. Même si on considère que ce n'est pas obligatoire, est-ce que l'affaire c'est un mal? Est-ce qu'on ne fait que les choses obligatoires? Alors que l'imam Lukatid, là, c'était l'unanimité que c'est obligatoire. Bien sûr, avec les deux conditions. Lakin, ba'dhum, ils vont jouer sur les deux conditions. Ils vont dire, là, tu peux appliquer ton din. Ba'dhum, iyadan billah, pour légitimer leur résidence fi bilad al-kufr, ils critiquent leurs frères musulmans et les pays musulmans. Et critiquer un pays musulman, ça implique de critiquer le gouverneur et les habitants. Tu ne vas pas critiquer les maisons. Là. Enfin, ils critiquent bilad musulmans. Ils disent, de toute façon, les pays musulmans, c'est pareil. Ils disent, de toute façon, il n'y a pas de différence. Iyadan billah. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de différence? Puis, An-Nasiha al-Rabbaniya, tadhkurun, la série de Dorus de Cheikh Saoudi, on avait expliqué beaucoup de différences. Kayf, il n'y a pas de différence. L'adhan, il te suffit. L'adhan, faqat. L'interdiction du hijab, ça te suffit. Le regard, faqat des kuffars, fil haqiqa, il te suffit. Ces ahadith, ça doit te suffire. Tu fariq al-mushrikin. Est-ce que la France, ou les autres pays européens, c'est des malahida des mushrikin? Il n'y a aucun doute. Est-ce que les pays musulmans, c'est des pays musulmans? Il n'y a aucun doute. Il a, inda ahl al-zayr, min al-khawarij al-akhiri, ils disent, ils kafferent les gouverneurs et les habitants. Mais nous, wa l'alhamd, on est à la sunna. Ben, comment comparer? Malgré les faiblesses, les manquements, les défauts, les péchés qui sont répandus sur les musulmans, c'est incomparable. Et anta, tu seras interrogé sur hada. Est-ce que tu as quitté Bilal Kufr pour faire la hijra dans un pays musulman? Amla, tu ne seras pas questionné sur le gouverneur ou sur les habitants. Là. Jamais on te demandera sur les amals d'un autre, sauf ceux dont tu es responsable. Les autres, tu es responsable un tas de toi-même, de ta femme si tu es marié, de tes enfants, tu es responsable de haoula. Amma le reste, on te demandera jamais sur eux. La fin de la conseil. Qala al-hadith al-sabi' an Abi al-Yasar il n'y a pas de alif. Ka'b ibn Amr radiyallahu anhu qala atayna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yubayi'u an-nas fa qultu ya rasulallah ibsit yadak hatta ubayi'ak washtarit alayya fa anta a'lam bish-shart ishtarat alayya ay montre-moi sur quoi je veux faire le bay'a. Thumma an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yulqita qala ubayi'ak ala an ta'budallah wa tuqim as-salah wa tu'ti az-zakah wa tunasih al-muslim wa tufariq al-mushrik rawahu al-hakim fi mustadrakihi. Le même hadith avec une autre chaîne de transmission. الحديث الثامن عن الزهري مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا أي الزهري il a pas rencontré النبي عليه الصلاة والسلام c'était pas un compagnon بل il est venu la génération bien après أتباع التابعين et vu qu'il y a une coupure entre lui et النبي صلى الله عليه وسلم لا شك que الزهري il a entendu ce hadith d'un autre et cet autre il a entendu d'un autre entre lui et النبي صلى الله عليه وسلم il y a deux narrateurs même أحيانا trois. Donc c'est ça le mursal, ay, il y a une coupure. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ على رجل دخل في الاسلام فقال تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتحج البيت وتصوم رمضان وانك لا ترى نار مشرك الا وانت له حرب. هذا تقدم حديث فيه ضعف للمرسل لكن tous les hadith qu'on a vu auparavant sur le fait de ne pas s'approcher d'eux c'est sur ce sens. قال فليتأمل هذا كلام الشيخ حمود رحمه الله فليتأمل المسلمون الساكنون مع أعداء الله تعالى هذه الأحاديث وليعطوها حقها من العمل. تأمل نصيحة العالم المشفق الرحيم بالأمة بإخوانه فليتأمل المسلمون فليتأمل ça demande un effort réfléchis médite lis ces أحاديث. On t'a cité un livre de Cheikh Siddiq, rahimahullah. Une partie, c'est que sur ça. Écoutez, بعض أهل العلم في الهجرة في الأصول الثلاث Cheikh l'Islam Muhammad ibn al-Wahhab il a cité à la fin الهجرة شروحات أهل العلم il détaille c'est quoi الهجرة وتقدم معنا ولله الحمد. فتأمل أخي المسلم. Fais attention de faiblir et de vouloir te voiler la face. C'est pas obligatoire. On m'a dit ya khilaf mais délaisse tout ça. On est tous d'accord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la vérité. On est tous d'accord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné beaucoup d'importance à l'hijra. Combien de hadiths? 8. Il n'a pas tout cité. Il y a des autres hadiths. Lakin on en a cité 8. Et d'autres hadiths. Fa ta'ammal. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a donné autant d'importance et les sahaba il lui faisait le bi'a, il prêtait allégeance pour faire salat, zakat, combattre avec lui et faire la hijra, donne de l'importance. C'est pour ton bien, akhi al-karim. كم من الناس ils sont restés vivre le kufr ils avaient des excuses pas valables et à la fin ils ont regretté le kufr ils leur ont fait du mal بعضهم ils ont perdu leurs enfants بعضهم ils ont faibli dans leur din. لماذا لأن كما تقدم معنا الله سبحانه وتعالى c'est le jamil dans notre dars dans les noms d'Allah سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى شرع الهجرة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الله سبحانه وتعالى c'est le jamil شرع الهجرة لمصلحة العباد. Et c'est min jamil shar'ih wa fi'lih wa hukmih azza wa jal. Donc on doit pas écouter shaitan, se faire avoir par shaitan et se voiler la face et se trouver des excuses. Et ces excuses elles font que nous affaiblir. فليتأمل المسلمون الساكنون مع أعداء الله. Et هذا تستفيد منه une فائدة عظيمة أنهم c'est des ennemis d'Allah. Si c'est des ennemis d'Allah, est-ce que tu peux leur faire confiance? Tu peux pas leur faire confiance. Est-ce que tu peux vivre avec un de tes ennemis ou un ennemi de ton père ou un ennemi de ton pays? Tu vas faire attention, c'est un ennemi. Ah, on laisse des ennemis d'Allah. Même s'il te sourit, même s'il montre en apparence qu'il te respecte, qu'il t'accepte, qu'il te tolère, un ennemi d'Allah, c'est un ennemi d'Allah. Wa'alam, anna al-adou, il est mawsouf bil makr en général. Un adou, un ennemi en général, il a du makr, il rusera. Oh, Satan, si t'es pas d'accord avec eux. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهؤلاء الأعداء أحيانا tu vois un tas, ils ont un bon comportement, ils respectent, ils tolèrent, ils arrêtent. Quand ils commencent à voir, ils commencent à te connaître, tu vas pas lui serrer la main, فقط si c'est une femme et tu verras. Le bon comportement, le sourire, le calme qu'elle avait, il a arrêté, tu lui serres pas la main, les mains là. Comme ils disent, tu es libre, tu as des convictions, ça va changer quoi, tu lui serres ou tu lui serres pas la main, elle acceptera jamais. Certains, si c'est parce que tu es un musulman et ton apparence est un musulman, elle va faire le lien directement, tu verras comment elle changera. Ça, c'est faqat, on donne un exemple, c'est Sirel. Et tous les autres ahkam. Tes enfants, ils ne sont pas comme eux, ta femme, elle ne se mélange pas, toi, tu ne te mélanges pas, et tu es différent d'eux, ils te combattront. Et هذا تستفيد منه هنا d'une faïda azim, si c'est des ennemis d'Allah, et anta, tu aimes Allah, c'est tes ennemis à toi aussi. Et كيف ترضى لنفسك de vivre avec tes ennemis. نعوذ بالله. Avec les musulmans, il faut de la patience. Avec les musulmans, et à cause de leur ignorance, à cause de leur mauvais comportement, certains, wallah, ilham, bien sûr, pas tous, il faut patienter. Il faut du hilm, il faut du sobre, il faut du rift, il faut de la siyasa ma'ahoum. Petit à petit, hatta, alhamdulillah, t'arrives à vivre, tu demandes à Allah salama jusqu'à tu meurs. Hada, c'est vivre les musulmans. Et tu dois faire attention et patienter. Amma ma'a les ennemis de l'islam, yam kouroun bik, leylan wa nahar. Tes enfants, toi, ta femme, au travail, quand tu sors, makr, des lois, des choses, ils te mettront la pression avec l'argent, avec les aides, beaucoup de choses. Hatta tu faiblis, tu faiblis. Qala, هذه الأحاديث وليعطوها حقها من العمل. Ça nous montre كذلك, quand on étudie le hijra, on l'a étudié في الأصول الثلاث, on l'a étudié, ربما, une ishara في كتاب التوحيد, on l'a étudié في هذا الكتاب. كم من الناس, ils écoutent des durous, ils lisent des fatwas. Lakin l'essentiel, c'est l'amal. Tu sais que c'est obligatoire, il a akhri. Passe à l'étape, demande à Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq. Il y en a celui qui étudie al-usul al-thalath, à la fin, sur l'islam, il t'explique simplement les fondements de l'islam. Ma'rifatullah, ma'rifat nabi, ma'rifat l'islam, avec des fawa'id, une risala nabi. À la fin, si tu as compris, vis pas avec les kuffars. L'imad al-yan, le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hijra. On doit essayer de mettre en application. Wa'alam, anna, le fait de repousser, prendre ses habitudes. Thomas, ses enfants, ils vont grandir, Obama, ils vont se marier, et après, tu as des attaches. C'est très difficile de partir ba'd. Illa man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala. Et fil bidaya, l'insan, il a shay min al-nashat ou al-quwa ila akhire. L'insan, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Kadalik, tambih, l'insan, la yasta'jil. Ajala, annahu, il ne sait même pas c'est quoi l'hijra. On a un autre problème, on a le ba'd. Ils écoutent un hadith, ils savent que le hijra c'est bien, il ne faut pas vivre avec le kuffar. Ils se déplacent, ils ne connaissent même pas ahkam le hijra. Thumma, ils arrivent et ils commencent à faire les allers-retours. C'est pas ça le hijra. Le hijra c'est tark, tu dois délaisser et tu reviens vivre le kuffar que les haja, massa, darura, quelque chose. Et fi hada al-hal, fi hada al-hal, l'insan s'il a un udr, il a un udr. Wa'adhum, le hijra est, fi l'haqiqa, 6 mois. Hada. Est-ce qu'on peut dire taraka bilal kuf? Là, il a délaissé à certains moments. Faqat. Là, le muhajir, c'est celui qui délaisse. C'est pour ça que nous, on conseille d'aïman nos frères, avant de faire l'hijra, apprends. Et sache que l'hijra, amruha shadid, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Délaisser son pays, probablement des membres de sa famille, ses amis, des coutumes, des habitudes que tu as, une mentalité, un climat. Tu arrives dans un pays, tu connais rien de tout cela. C'est pas simple. لكن نحن نقول دائما نفخر أنهم كما قال الشيخ حمود فليتأمل أي من دراسة وليعطوها زي غمحك فليتأمل سليتود اي تتودي الهجرة ثم العمل أما عمل هكذا انفونس ثم وبود دو دو موا بعضهم et on en a connu vous en avez connu au bout de 2 mois 3 mois 6 mois ils connaissent pas l'hijra ثم يغتغل. Et retourner, c'est grave. Il y en a retourné. Tu reviens au point de départ et kadalik, tu as annulé ta hijra. Et annuler sa hijra, c'est très très grave. Hadith Sa'd ibn Mu'ad, ou Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, fi al-Sahih, taqaddam ma'ana fi Riyad al-Salihin. Et on avait lu que la gravité de retourner dans un endroit que tu as quitté. Khasatan sibilad al-kufr. Ah, c'est très très grave. L'insan, il réfléchit, il étudie. Et s'il a besoin de certaines choses, il prend ces choses. Et kadhalik, on ne fait pas l'erreur de rester des années et de s'attacher au bilad et de faire des choses qu'un an, on ne va jamais partir. Et après, c'est très très difficile. Et at-tawfiq, c'est min Allah. Al-hijra, c'est pas avec l'argent. Al-hijra, c'est pas avec ton physique. C'est pas avec, bien sûr, la patience, c'est un sabab. Lakin, al-hijra, c'est min tawfiqillah. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il waffaq, il se déplace et il arrive et hatta yamut. C'est pour ça que l'insan, من أعظم الأسباب, c'est il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui facilite. قال الشيخ, فقد قال الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم. تأمل سبيخ سيف بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. علم ils écoutent contrairement à d'autres. Au lieu d'écouter et dire c'est vrai le hijra c'est haq, là comme on a dit il y a khilaf, on m'a dit mais les pays musulmans c'est pareil. Est-ce que هذا يستمع هذا لا هذا يجوه هذا يشيخش une chose pour délaisser là. فبشر عباد, ça montre que عباد الله الصالحين qu'est-ce qu'ils font الذين يستمعون القول ils écoutent فيتبعون أحسنه ثم يمتون application. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. On n'a pas le temps et on a déjà cité ensemble فضائل الهجرة. كذلك ce qui aide à pour faire la hijra et pour patienter, alors on a déjà dit la hijra c'est deux choses, c'est se déplacer ثم rester. Il y en a celui qui ne reste pas, il retourne fibla al-kufr, c'est pas un muhajir, sa hijra elle est annulée. Enfin, tu as deux choses, tu as le déplacement, il faut un tawfiq, il faut faire des efforts, il faut demander à Allah. Thumma, il y a le fait de rester. Kadhalik, ça demande la patience, il a akhri. Fal insan yatlub min Allah azza wa jal at-tawfiq. Naktafi bi hadha. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.